إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، nous en sommes aujourd'hui au chapitre 16 du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. L'auteur rahimahullah ta'ala a fait de ce chapitre une explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 23 de Surat Saba, qui est sa parole: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Puis lorsque la frayeur s'éloigne de leur cœur, ils disent: qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Ils répondent alors: la vérité, il est le sublime, le grand. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné ce verset, nous a mentionné deux hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous clarifions le sens de ce verset. Et son objectif à travers cela est de continuer ce qu'il a commencé dans le chapitre précédent afin de nous démontrer la fausseté du polythéisme. On a vu dans le cours d'hier quelques versets et quelques hadiths nous démontrant que le shirk est quelque chose de faux et insensé, et qu'il n'est pas permis de vouer une quelconque adoration à un prophète, à un homme pieux ou un homme vertueux, quel que soit son rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ne détiennent pour eux ni profit ni dommage, et ce même de leur vivant, comme on l'a vu à travers les hadiths hier. Alors comment pourraient-ils profiter à autre qu'eux après leur mort? Et dans ce chapitre, le Cheikh rahimahullah ta'ala va nous démontrer la fausseté du fait d'adorer les anges, car les anges sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont fait les polythéistes qui disait que les anges sont les filles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh, à travers ces différents chapitres, il nous démontre la fausseté du fait d'adorer tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit les prophètes, que ce soit les walis, les saints, les vertueux, ainsi que les anges. Donc, si les prophètes, qui sont les meilleurs des hommes, ainsi que les anges, qui sont parmi les créatures les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne peuvent être adorés en dehors d'Allah, car ce ne sont que des créatures, mais malgré leur rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permis de leur vouer une quelconque adoration. Alors, il est d'autant plus interdit de vouer une quelconque adoration à autre que parmi les hommes, les djinns, les pierres, les arbres, et ainsi de suite, parmi les choses qui sont prises pour divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala a voulu nous démontrer à travers ce chapitre. Donc, revenons au sens du verset, dans le sens rapproché, puis lorsque la frayeur s'éloigne de leur cœur, ils disent: qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Ils répondent: la vérité, il est le sublime, le grand. Quel est le sens de ce verset? Il nous a été clarifié dans un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'on va commencer par lire dans son intégralité, puis revenir sur certaines de ses phrases afin d'en tirer des bénéfices. L'auteur rahimahullah ta'ala a donc dit: on trouve dans le hadith authentique, et ce qui est visé ici c'est l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'Allah décrète l'ordre au-dessus des cieux, les anges battent des ailes par soumission à sa parole, comparable au bruit d'une chaîne sur un rocher lisse, et cela les saisit de frayeur. Puis lorsque la frayeur s'éloigne de leur cœur, ils disent: qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Ils répondent: la vérité, il est le sublime, le grand. Cette parole est alors rapidement entendue par un démon qui la saisit discrètement, puis un autre, car ils sont perchés les uns sur les autres. Sofiane, qui est un des rapporteurs du hadith, a décrit cela en penchant sa main tout en écartant ses doigts. Il entend donc la parole et la transmet à celui en dessous de lui, qui la transmet à son tour à celui en dessous de lui, jusqu'à ce qu'elle parvienne sur la langue du sorcier ou du devin. Et il se peut qu'il soit atteint par une étoile filante, par un météore, avant de la transmettre. Il ajoute alors à cette parole sans mensonge et on dit, ne nous a-t-il pas dit telle et telle chose, tel et tel jour? Par conséquent, on le croit en raison de cette parole qui a été entendue du ciel. Puis le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un deuxième hadith en complément de celui-ci et il dit, d'après Nawas ibn Sam'an, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'Allah veut révéler un ordre, il prononce la révélation et les cieux sont pris d'un violent tremblement par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les gens des cieux entendent cela, ils sont foudroyés et tombent prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier à relever sa tête est Jibril alayhi salam. Allah lui parle alors en lui révélant ce qu'il veut. Jibril passe ensuite vers les anges et à chaque fois qu'il passe par un ciel, ces anges lui demandent « Ô Jibril, qu'a dit notre Seigneur ?» Il leur répond alors « La vérité, il est le sublime, le grand. » Tous disent alors la même chose que Jibril qui transmet ensuite la révélation où Allah subhanahu wa ta'ala le lui a ordonné. On comprend donc très clairement à travers ce hadith le sens de ce verset que l'auteur rahimahullahu ta'ala a cité. Donc dans celui-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète un ordre, c'est-à-dire, comme cela est venu dans le second hadith, lorsqu'il prononce la révélation. Il dit lorsqu'Allah décrète un ordre au-dessus des cieux. Et ceci nous indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Comme il est venu dans le Coran, au verset 16 de Sourate Al-Mulk, « أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ » Êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel vous enfouissant la terre, et la voilà qu'elle tremble. Donc celui qui est au-dessus du ciel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'élévation fait partie de ses attributs. Et on compte parmi ses noms, Al-Ali, Al-A'la, le sublime, celui qui est très haut. Al-A'la, le plus haut. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre qu'il s'est élevé sur son trône. Et le trône est la plus haute des créatures. C'est le toit de la création et c'est la créature la plus immense. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une servante, Aïn Allah, où est Allah? Elle répondit alors, Fis sama, au-dessus du ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors à son maître, Affranchis-la, car c'est une croyante. Et les preuves de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, elles sont très nombreuses dans le Coran et la Sunna. Et ceci est une chose indiscutable, et cela fait partie des éléments fondamentaux de la croyance authentique des gens de la Sunna et du groupe. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, lorsqu'Allah décrète l'ordre au-dessus des cieux, les anges battent des ailes. Les anges, qui font partie des créatures les plus immenses, lorsqu'ils entendent le son de la révélation, ils sont pris de peur et battent des ailes. Pourquoi? Par soumission à sa parole, c'est-à-dire à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se soumettent à celle-ci, la révèrent, sont effrayés et sont saisis de peur. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cela est comparable au bruit d'une chaîne sur un rocher lisse. Et cela saisit les anges de frayeur. On voit donc à travers cela que les anges sont des créatures qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et ont peur de lui. Au point que lorsqu'ils entendent le son de la révélation, ils se mettent à battre des ailes par soumission à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, par humilité et par peur envers lui. Donc ceci nous montre que si telle est leur situation, ils ne méritent pas d'être adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment les prendre pour associer à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'eux-mêmes ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est cela qu'a visé l'auteur, rahimahullah ta'ala, par la mention de ce hadith. Nous démontrer que les anges ont peur de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et par conséquent, l'adoration, elle ne doit être vouée qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné ce verset que l'auteur a cité dans ce chapitre. Dans le sens rapproché, puis lorsque la frayeur s'éloigne de leur cœur. C'est-à-dire une fois qu'ils ne sont plus pris de cette frayeur. Ils s'interrogent les uns les autres. Ils disent, qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Ils s'interrogent mutuellement les uns les autres. Alors ils répondent, la vérité, il est le sublime, le grand. En effet, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité de manière absolue. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'une chose surprenante. Et il dit, cette parole est alors rapidement entendue par un démon qui la saisit discrètement. C'est-à-dire qu'il vient voler cette parole. Il saisit une part de la révélation lorsque les anges la prononcent dans les cieux. Et pour cela, ils montent les uns sur les autres jusqu'à atteindre le ciel. Il entend alors une parole, c'est-à-dire celui qui est en haut qui entend cette parole des anges, puis il la transmet à celui en dessous de lui, c'est-à-dire à un autre démon, sur lequel il s'est perché pour atteindre le ciel. Puis celui en dessous de lui la transmet à celui en dessous, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle parvienne sur la langue du sorcier ou du devin, c'est-à-dire parmi les hommes. Donc ce hadith, c'est une preuve claire et explicite que les sorciers, les voyants et les devins, ils prennent leurs informations des démons. Cela nous montre donc la fausseté des œuvres des sorciers et des voyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs à ce sujet, au verset 221 à 223 de Surat Ash-Shu'ara, « Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin »« Vous apprendrai-je sur qui les diables descendent ?»« Tanazzalu ala kulli affakin athim »« Ils descendent sur tout calomniateur pécheur »« Yulquna sam' wa aktharuhum kadhibun » Ils tendent l'oreille et la plupart d'entre eux sont menteurs. Les sorciers et les devins, ils ont donc la même source. Et leur source, ce sont les démons, qui sont les plus mécréants et les plus trompeurs parmi les créatures. Et cela nous montre donc le danger de traiter avec les sorciers et les voyants. La sorcellerie, c'est une chose qui est pratiquée par les sorciers en faisant des nœuds, en soufflant sur cela, ou alors en prononçant des paroles de mécréance et de polythéisme, par des incantations démoniaques, ou autre chose semblable. Donc le sihr, la sorcellerie, c'est une œuvre démoniaque. C'est de la mécréance, et le sorcier est un mécréant. On verra cela en détail lors du chapitre sur la sorcellerie, incha'Allah ta'ala. Quant au voyant, ou le devin, celui-ci, il informe au sujet de choses qui sont imperceptibles en raison de ce qu'il reçoit comme information de la part des diables. Car le démon, il informe le devin, ou le voyant, de choses qui sont imperceptibles par les hommes. Car les démons, ils ont des capacités physiques plus grandes que celles des hommes. Ils peuvent voler dans le ciel, atteindre les nuages, en tirer des informations comme on le voit dans ce hadith. Également, ils peuvent se rendre rapidement d'un endroit à un autre très éloigné. Et tout ceci sont des choses que l'homme n'est pas capable de faire. Donc en raison de cela, les sorciers et les devins, ils se soumettent aux démons et se rapprochent d'eux en commettant différentes formes de mécréance et de polythéisme, afin que les démons soient à leur service en leur fournissant certaines informations qui sont imperceptibles par les hommes. Et comme on a vu dans un cours précédent, ceci est une chose qui est interdite. Cela relève du polythéisme. Il n'est pas permis à l'homme d'implorer l'aide des djinns, d'implorer leur secours et de les questionner. Et on reviendra sur ce sujet, incha'Allah ta'ala, avec plus de détails lors du chapitre que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a consacré à la voyance. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe que lorsque les démons se transmettent les uns les autres la parole qu'ils ont entendue des anges, il se peut qu'ils soient atteints par une étoile filante, par un météorite, avant de la transmettre aux sorciers ou aux voyants. En effet, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans son noble livre, au verset 10 de Surat As-Safat, إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطَفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ Sauf celui qui saisit au vol une information. Il est alors poursuivi par un météore transperçant. Allah subhanahu wa ta'ala protège les cieux par ces météores qui empêchent les démons de saisir ces informations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit alors, il ajoute alors à cette parole sans mensonge. C'est-à-dire que le démon, afin de tromper l'homme, il mélange le faux et la vérité. Pour pouvoir transmettre de fausses informations, il transmet au milieu de celles-ci une information qui est vraie. Car s'il venait qu'avec des informations fausses, personne ne le croirait. Donc, il mélange ses faussetés à une part de vérité afin de se faire croire par les gens. Et il n'y a pas de doute que ceci est une tentation pour les gens, à la fois faibles, qui sont trompés par ce genre de choses. Ils acceptent donc le faux de manière abondante, en raison d'une seule information qui a été mélangée à son mensonge. Et ceci est comparable à la situation de beaucoup de personnes avec les imams de l'égarement, les prêcheurs à l'égarement, les prêcheurs au faux et à l'innovation, sous prétexte que l'un d'eux prononce certaines paroles de vérité, alors les gens acceptent de toutes leurs paroles. Sous prétexte qu'il a vu juste sur une question, alors on accepte son point de vue sur toutes les questions, même si le faux est plus abondant dans ses paroles que la vérité. Le musulman doit donc être attentif à cela et savoir que les gens du faux et de l'égarement, ils ne vont pas venir à toi avec le faux, l'innovation et la déviance de manière apparente. Mais pour que tu l'acceptes, ils vont mêler le faux à une part de vérité, afin que cette vérité te trompe, afin que cette vérité te fasse oublier les nombreuses faussetés qu'ils ont prononcées. Et ainsi agissent les démons avec les sorciers et les devins, afin de tromper les gens qui se rendent à eux. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite. Et on dit alors, c'est-à-dire que les gens, étant donné qu'il y a une parole qui est mélangée à 100 mensonges, qu'est-ce qu'ils disent? Ne nous a-t-il pas dit telle et telle chose, tel et tel jour? Par conséquent, on le croit en raison de cette parole qui a été entendue du ciel. Étant donné que les démons ont entendu une parole du ciel, le voyant en informe ensuite les gens. Mais il informe également de 100 mensonges, parmi lesquels se trouve cette vérité. Donc en raison d'une seule vérité, les gens pensent alors qu'il est véridique. Et si on leur dit que c'est un menteur, ils vont dire mais non, tel jour, il m'a informé de telle chose et il a dit vrai. Il n'y a pas de doute que ceci est une tentation immense à laquelle le musulman se doit d'être attentif. Dans le deuxième hadith, on voit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut révéler un ordre, il prononce la révélation. Et les cieux sont pris d'un violent tremblement, par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que le ciel, les cieux, ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont soumis à lui. L'ensemble des créatures sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Même les choses inanimées, le ciel, la terre, les montagnes, toutes les créatures sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala et proclament sa pureté et lui obéissent et ont peur de lui subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque les gens des cieux entendent cela, ils sont foudroyés, ils sont pris de peur et tombent prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci, une fois de plus, est une réfutation de ceux qui vouent des adorations aux anges. Les anges sont foudroyés et tombent prosternés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi donc leur vouer différentes formes d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le premier à relever sa tête est Jibril, et ceci nous montre le mérite de Jibril alayhi salam. Allah lui parle alors en lui révélant ce qu'il veut, car Jibril est chargé de la révélation. Jibril passe ensuite vers les anges, et à chaque fois qu'il passe par un ciel, et cela nous montre qu'il y a plusieurs cieux, ces anges lui demandent, c'est-à-dire les anges de ces cieux, ô Jibril, qu'a dit notre Seigneur? Il répond alors la vérité, il est le sublime, le grand. Tous disent alors la même chose que Jibril, qui transmet ensuite la révélation où Allah lui a ordonné. On tire de ces deux hadiths de très nombreux bénéfices, et en résumé, nous allons en mentionner 10, Inch'Allah ta'ala. Le premier bénéfice est que la sunnah, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, explique le Coran, comme on le voit à travers ce hadith, qui nous explique le verset que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité. Et ceci est une réfutation claire de ceux qui rejettent la sunna et qui prétendent que l'on devrait se contenter du Coran. Mais s'ils rejettent la sunna en se contentant du Coran, d'où vont-ils tirer l'explication du Coran? De nombreux versets ne nous sont expliqués que dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas possible de se passer de la sunna et de se limiter au Coran. Et le Coran, il est expliqué de quatre manières. Et ceci est une parenthèse au sujet du tafsir. Premièrement, et qu'il peut être expliqué par le Coran, c'est-à-dire que les savants vont expliquer un verset par un autre verset. Deuxièmement, s'il n'y a pas d'autre verset qui explique ce verset, alors il peut être expliqué dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, si ce verset n'a pas été expliqué par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est alors expliqué par les paroles des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Car les compagnons, ce sont les élèves du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont appris la religion auprès de lui. Ils ont appris la science, le Coran, de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont donc les plus savants des hommes après lui. Enfin, quatrièmement, s'il n'y a pas d'explication d'un verset dans les paroles des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, alors celui-ci est expliqué de par l'essence de la langue arabe. Car c'est dans cette langue qu'il a été révélé. On regarde donc le sens des mots dans la langue arabe et il est expliqué en fonction de cela. Et ceci est très important, car le fait d'expliquer le Coran d'une autre manière, ceci mène à l'égarement et à parler au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Comme le font certaines personnes aujourd'hui qui veulent expliquer le Coran par des événements contemporains ou des recherches scientifiques contemporaines ou autre chose semblable. Et ceci est une erreur. Aujourd'hui, il se peut qu'une recherche scientifique démontre une chose et que demain, une autre recherche nous démontre que celle-ci est fausse. Car la science des hommes est limitée. Elle n'est pas parfaite. Elle est sujette à l'erreur. C'est pour cela qu'il ne convient pas d'expliquer le Coran au biais de ces recherches. Mais comme on a dit, le Coran est expliqué, soit par le Coran, soit par la Sunna, soit par les paroles des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, soit par l'essence des versets dans la langue arabe. Et autre que cela, revient à parler au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est l'affirmation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et notamment l'attribut de l'élévation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures, au-dessus du ciel subhanahu wa ta'ala, et également l'attribut de la parole, qu'Allah subhanahu wa ta'ala prononce des paroles qui sont entendues. Les anges les entendent et sont pris de frayeur à leur écoute. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith, et qui est le bénéfice le plus important lié à ce chapitre, car c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, l'a mentionné, c'est le fait qu'il nous montre la fausseté, l'erreur et l'égarement dans lequel sont plongés ceux qui s'attachent aux anges en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le faisaient les gens de la Jahiliya, qui adoraient les anges et disait que les anges sont les filles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ceci nous démontre la fausseté du shirk, la fausseté du polythéisme. Car si les anges, qui sont les créatures les plus fortes physiquement, et qui sont des créatures qui ont un rang éminent auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ne lui désobéissent jamais, qui sont soumis à ses ordres, ils sont donc parmi les créatures les plus proches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc si même les anges ne sont pas en droit d'être adorés, et qu'il n'est pas permis de s'en remettre à eux, de leur adresser des demandes, d'implorer leur aide, leur secours, de les invoquer, ainsi de suite, alors à plus forte raison, il n'est pas permis d'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala autre que parmi les créatures. Donc ceux qui s'en remettent aux tombes, qui invoquent les morts, qui se rendent auprès des mausolées, auprès des statues pour rechercher la bénédiction, pour faire des vœux et des sacrifices, tout ceci est un égarement évident. Car ces créatures ne détiennent aucune part du commandement. Elles sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur, il ne doit donc s'en remettre qu'à son Seigneur, placer sa confiance en lui, lui vouer ses vœux, ses sacrifices, ainsi que l'ensemble de ses adorations. Quant aux anges et autres parmi les créatures, ils sont tous soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ont besoin de lui et ne peuvent pas se passer de lui. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Ghani, celui qui se passe de l'ensemble de l'univers et dont tout l'univers a besoin de lui. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est le fait que les démons, ils ont des capacités physiques plus grandes que celles des hommes. Ils peuvent voler dans le ciel, en tirer des informations comme on le voit dans ce hadith. Ils saisissent une part de la révélation lorsque les anges la prononcent dans les cieux. Et ceci était fréquent au temps de la Jahiliya, avant l'islam. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, les cieux ont été protégés par les météores. Le cinquième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la fausseté de la sorcellerie et de la voyance. Car leur source est la même et elle provient des démons. Il n'est donc pas permis d'accepter l'information du sorcier et il n'est pas permis d'accepter l'information du voyant. Car leur source est fausse. Ils tirent leurs informations des démons qui sont de grands menteurs. Et on verra plus de détails à ce sujet dans un chapitre suivant, Inch'Allah ta'ala. On verra le jugement de celui qui se rend chez le voyant et le fait que sa prière n'est pas acceptée durant 40 jours, même s'il ne le croit pas. Quant à celui qui le croit, on verra la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il dit qu'il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman doit donc prendre garde aux sorciers et aux voyants qui sont répandus dans de nombreux pays, même parmi les pays musulmans. Et il faut savoir que le sorcier ou le voyant ne va pas forcément se présenter comme tel. Il se peut qu'il se présente comme étant un guérisseur. Il se peut qu'il se présente comme étant un raqi. Il se peut qu'il se présente même comme étant un médecin soignant par la médecine naturelle ou autre chose semblable. Il se peut même qu'il montre en apparence une certaine forme de piété afin de tromper les gens, qu'il lise le Coran en public ou qu'il fasse du dhikr, et ainsi de suite. Et son objectif n'est que de leurrer les gens afin qu'ils se rendent à lui. Puis une fois qu'il les a trompés, il va alors dire discrètement aux malades, rends-toi dans tel endroit, auprès de tel puits, dans tel endroit, et égorge une chèvre. Et il va lui dire, n'en mange pas, mais tu prends seulement de son sang et tu fais avec son sang ceci et cela. Alors il va lui dire d'égorger un coq ou une poule, et de ne pas mentionner le nom d'Allah en l'égorgeant, et ainsi de suite. Il est donc obligatoire pour les musulmans de prendre garde à cela, à ces charlatans et ces trompeurs qui ont pour objectif de corrompre la croyance des musulmans et de leur soutirer leur argent. C'est cela leur objectif. Corrompre la croyance des musulmans et soutirer leur argent, Wallahu al-musta'an. Le sixième bénéfice que l'on tire de ce hadith, qui est un bénéfice immense, c'est le fait que les âmes ont un penchant pour accepter le faux. En effet, regarde comment les gens, en raison d'une seule information véridique, mêlée à 100 mensonges, sont prêts à accepter ces 100 mensonges. Sous prétexte que le sorcier ou le voyant va informer d'une vérité, ils vont accepter les 100 mensonges qu'il a transmis avec celle-ci. Donc ceci est une preuve claire que les âmes ont un penchant pour l'acceptation du faux. Et ceci nous amène donc à un autre point qui découle de celui-ci, qui est l'obligation pour nous de prendre garde et de ne pas s'empresser d'accepter toute information qui vient à nous. Le voyant, il vient, il transmet des mensonges à longueur de journée. Et sous prétexte qu'il se peut que sa parole coïncide parfois avec la vérité, alors les gens vont penser qu'il est véridique. Il n'y a pas de doute que ceci est une épreuve pour les gens, notamment ceux à la fois faibles ou qui ont peu de science. Wallah al-musta'an. Donc le musulman, il doit prendre garde et ne pas accepter les informations qui lui parviennent avant de pouvoir distinguer le vrai du faux. Et ceci est une obligation pour nous tous. Si tu as les capacités de distinguer le vrai du faux dans le domaine de cette information, alors fais-le. Mais si tu n'en as pas les capacités, si cela concerne une affaire religieuse, tu reviens aux gens de science. Et ainsi de suite dans les différents domaines. Mais tu ne t'empresses pas d'accepter toute information qui vient à toi sans même prendre le soin de la vérifier. Le septième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est l'affirmation que les cieux ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils sont conscients de l'immensité de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala et en raison de cela, ils le craignent et sont soumis à lui. Le huitième bénéfice que l'on tire de ce hadith, qui est également très important, c'est la preuve de l'obligation pour nous de révérer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de révérer le Coran. Car le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est incréé, il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a réellement prononcé. Il est donc obligatoire pour nous de le révérer, de faire preuve d'humilité à l'écoute du Coran, d'avoir peur des menaces qui sont mentionnées dans le Coran, et d'espérer aux promesses qui sont mentionnées dans le Coran, et de faire preuve de respect à sa lecture, à son écoute, et ainsi de suite. Il ne faut pas penser que le Coran, il est comme les paroles des créatures. Regarde la réaction des anges à l'écoute de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils battent des ailes par soumission à sa parole. Il nous incombe donc, de la même manière, de faire preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'écoute du Coran. Et de la même manière à l'écoute des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont une révélation de la part d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Donc les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et par conséquent, ces paroles doivent être révérées. Le neuvième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, c'est le mérite de Jibril alayhi salam, qui est parmi les anges le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est chargé de la révélation. Et regardez ici dans ce hadith comment les anges l'interrogent, qu'a dit notre Seigneur. Ceci nous montre donc le rang immense qu'il occupe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, le dixième hadith que l'on tire de ce hadith, c'est que les anges ne connaissent pas l'imperceptible. En effet, médite sur le fait qu'ils interrogent Jibril alayhi salam, puis qu'ils s'interrogent les uns les autres, qu'a dit notre Seigneur, car ils ne connaissent pas l'imperceptible. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses. Quant aux anges, aux prophètes, aux vertueux, ils ne connaissent pas l'invisible. Ils ne connaissent pas le futur et n'ont pas la capacité de cela. Ceci sont donc 10 bénéfices que l'on tire de ces hadiths immenses, nous expliquons ce verset que l'auteur rahimahullah ta'ala a cité. Et comme vous l'avez entendu, le principal bénéfice et la raison de la mention de ce verset et ces hadiths est le fait qu'il nous démontre que les anges sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, le craignent, le révèrent, sont pris de frayeur et se soumettent à lui, à l'écoute de sa parole. Alors, ils ne sont en aucun cas en droit d'être adorés, mais l'adoration doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. Et on verra dans le cours de demain le 17e chapitre qui porte sur l'intercession. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.